Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le vendredi 18 février 2022. Nous sommes en direct. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Il est un petit peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux Simon Delétang, directeur artiste ou artiste directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, qui est là pour nous parler du Théâtre du Peuple dans sa globalité, de l'histoire du Théâtre du Peuple et de l'actualité toute prochaine du Théâtre du Peuple. Donc bonjour Simon. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Très heureux d'être là. Très heureux de vous accueillir, du coup. Nos auditrices et auditeurs, du coup, sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, moi, je suis comédien, metteur en scène. Je fais aussi de la scénographie de mes spectacles. Et donc, je dirige depuis 2017 le Théâtre du Peuple de Bussan, puisque ce théâtre a la particularité, entre autres, d'être dirigé par un artiste ou une artiste. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de femme, mais ça, peut-être que ça arrivera prochainement. Mmh. Et donc moi, voilà, ça fait 20 ans que je fais de la mise en scène. D'accord. Donc j'en suis à une trentaine de spectacles comme metteur en scène. Et puis comme acteur, j'ai joué aussi dans beaucoup de productions. Et je suis venu à Bussan pour essayer de développer un projet original sur le territoire des Vosges et puis au-delà, j'espère. Bien sûr. Et donc, du coup, le Théâtre du Peuple, c'est un des théâtres, on va dire, les plus connus au niveau vosgien et puis même en France. Donc, même si c'est très connu, est-ce que vous pouvez présenter toujours en quelques mots le Théâtre du Peuple ? Alors, c'est un théâtre qui a la singularité d'être plus que centenaire. Donc, d'accord, c'est vrai que des théâtres, en général, quand ils sont plus que centenaires, c'est des théâtres de ville, un peu riches en pierre, avec de l'or, voilà, des grands théâtres bourgeois. Le Théâtre du Peuple est tout en bois. Il se situe à la lisière de la forêt, en sortie de Bussan. Il a été fondé en 1895. Et c'est un théâtre qui a été, évidemment, qui a eu des époques successives de construction. Mais la singularité et la force qui fait sa réputation internationale, c'est que le fond de scène s'ouvre sur la forêt, c'est-à-dire que le metteur en scène doit intégrer au spectacle, à un moment donné, le fait qu'on va ouvrir les portes du fond de scène et les spectateurs découvrent la nature au cœur même du spectacle. Et ça, c'est depuis l'origine, c'était le projet de Maurice Potcher qui a fondé ce théâtre, qui était un poète, qui lui était de Bussan, d'une riche famille d'industriels, et qui a décidé de fonder à Bussan ce théâtre dont l'objectif était de réunir les gens du peuple sur scène et dans la salle, puisque l'autre particularité du Théâtre du Peuple, c'est que notamment l'été on travaille avec des amateurs au plateau qui se mêlent à des professionnels. Mmh. Tout à fait, donc on va développer le sujet tout au long de cette émission. Donc cette émission justement va se dérouler en deux grosses parties. Dans la première, je vous propose de parler du Théâtre du Peuple dans sa globalité, avant de parler dans la deuxième partie de l'actualité de cette année au Théâtre du Peuple. Est-ce que ça vous va comme programme ? C'est parfait. Parfait, donc tout d'abord, pour en être là, vous en êtes aujourd'hui, comme vous le dites, ça fait 20 ans que vous faites de la mise en scène, mais quel a été votre parcours ? Est-ce que vous avez fait peut-être des études de théâtre, des études d'art ? Oui, alors moi c'est vrai que j'ai un parcours pour le coup très presque programmé, c'est-à-dire que dès le lycée j'ai eu la chance à l'époque de se créer les options théâtre pour le bac, mm-hmm. Donc moi j'ai fait une des premières options théâtre, donc c'était à Limoges, moi j'ai grandi en Limousin, et donc c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans je savais déjà que je voulais faire du théâtre, je savais pas encore si je voulais être acteur, régisseur, j'aimais beaucoup en fait la régie, j'aimais beaucoup m'occuper des accessoires, préparer les accessoires pour le spectacle, et j'avais une petite expérience de jeu. Et après ce bac théâtre, j'étais persuadé que je voulais faire de la mise en scène. Donc j'avais pu faire mes premières armes au lycée. Et ensuite, je suis allé à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, donc à l'Institut d'études théâtrales de Paris 3, où là, j'ai fait 3 années jusqu'à la licence. Et puis, j'en ai eu un peu marre de la théorie. Oui. Donc j'ai décidé de passer les concours des écoles nationales d'acteurs. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'ENSAT à Lyon, qui est l'ancienne école de la rue Blanche. Et donc pendant 3 ans, tous les jours, j'ai été amené à travailler l'art de l'acteur sous toutes ses formes, que ce soit la voix, le corps, l'imaginaire, la technique. Donc ça a été une formation pour moi assez difficile. J'étais très jeune, donc c'est costaud dans un parcours, ce genre de formation. On est 12, 14 pendant 3 ans, les uns sur les autres, avec un effet un peu monastique. Et à l'issue de ces 3 ans, je suis rentré dans la vie professionnelle à Lyon comme acteur et très vite, j'ai voulu faire de la mise en scène. Donc, j'ai toujours fait en parallèle les deux. J'ai jamais renoncé à l'un pour l'autre ou à l'autre pour l'un. Ce qui fait que j'ai bâti mon parcours sur cette double identité. Et je continue encore, même à Bussan, à jouer parfois dans les spectacles pour continuer aussi à garder cette force-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu cette chance de faire une école nationale supérieure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que toutes les générations nouvelles sont souvent des gens qui sont passés par les écoles. Alors, pas toujours. Il y a d'autres voies qui sont possibles. S'il y a des jeunes qui ont envie de faire du théâtre, il y a aussi parfois d'autres manières de commencer, de faire du théâtre en amateur, notamment. Mm-hmm. Ce que j'ai très peu fait, finalement, moi, j'ai simplement fait des ateliers dans le cadre du collège. D'accord. Mais j'ai pas eu de pratique amateur au sens de celle qu'on peut proposer, par exemple, à Bussan. J'ai très vite été dans la... Enfin, voilà, tout ce que je faisais dans mes études était lié au théâtre. Je savais que ma vie serait... Enfin, sauf échec, sauf si vraiment je n'y arrivais pas. Mais comme j'ai réussi à franchir ces étapes successives, j'ai su qu'après, je ne ferais que ça ou... Enfin, je trouverais la forme qui me convenait le mieux, quoi. Et du coup, donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, vous vous épanouissez dans votre domaine, du coup? Oui, complètement. Complètement. Et puis, j'espère que c'est contagieux pour les gens aussi avec qui je travaille. Et puis, les spectateurs qui répondent aussi présents aux propositions que je peux faire, que ce soit dans les villages ou à Bussan ou ailleurs. C'est vrai que quand on est metteur en scène, la grande difficulté, c'est que ce qui nous plaît doit plaire aux autres, ou ce qui nous touche doit toucher les autres, ou on fait le pari que ce qui nous touche va toucher les autres. Donc c'est vrai que quand on fait un spectacle, on ne sait jamais comment il va être reçu. Et c'est vrai que ça, voilà, ça fait 20 ans que je vis cette indécision de faire quelque chose dont j'ignore comment elle va être reçue. Bah c'est aussi une petite notion de challenge, ça peut être une motivation de pas savoir comment ça va se passer pour les spectateurs. Oui, complètement. Bah, ça permet de se remettre en question à chaque fois. Mm-hmm. C'est-à-dire que le doute, je dirais, fait partie de mon métier. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... Alors, on peut être sûr de son outil, de son savoir-faire. Je sais faire des spectacles. Il n'y a pas de problème. Je sais travailler avec une équipe technique, faire des décors, travailler avec des acteurs. Après... il y a toujours la magie qu'on n'apprend pas aussi. Et donc cette chose-là, ça va dépendre de qui est sur scène, comment, quel texte, quelle rencontre. Et puis parfois, comme l'été dernier, j'avais choisi de mettre en scène le texte de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, donc, qui est un spinalien qui a eu le prix Goncourt en 2018. Et du coup, le texte a eu une résonance incroyable pour les gens des Vosges aussi. Et c'est vrai que ça a apporté le supplément d'âme et d'enjeu à ce spectacle que j'aurais peut-être pas eu avec un autre texte. Mmh. Oui, faut savoir faire les bons choix, du coup, pour être sûr. Absolument. Que ça plaise. Ouais. Donc du coup, comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans cette émission, donc non seulement le Théâtre du Peuple a la chance d'être plus que centenaire, il a été créé en 1895. Ouais. Voilà, par Maurice Potcher. Voilà, donc vous l'avez dit, c'est un homme de lettres, de théâtre. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu développer le sujet, entre guillemets, Maurice Potcher? Le sujet Maurice Potcher, donc effectivement, bah c'est évidemment la personnalité la plus marquante de l'histoire du Théâtre du Peuple, parce qu'il il a vécu très longtemps, donc il est mort en 1960, et je crois qu'il est mort au-delà de ses 80 ans, donc j'ai plus exactement sa date de naissance en tête. Sa tombe, pour la petite histoire, se trouve dans le parc du Théâtre du Peuple, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait beaucoup de théâtre en France et dans le monde où le fondateur du théâtre est enterré à quelques mètres de là où on travaille. Ce qui fait que, c'est pour ça que quand vous me dites le sujet Maurice Potcher, pour nous c'en est un au quotidien. D'accord. Parce qu'évidemment il y a beaucoup de superstitions aussi dans les métiers du théâtre, et c'est vrai qu'on est toujours un tout petit peu à l'interroger. Donc on a notamment créé un oracle potcherien qui consiste, à travers ses œuvres complètes, à poser des questions à Maurice Potcher avec tout un code d'entrée dans ce jeu-là, où on donne un numéro de ligne, de page, et en général il répond à notre question avec une de ses citations, et c'est toujours très marquant et ça marche à chaque fois. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit en général nous fait réfléchir, et c'est vrai qu'il y a des petits fantômes dans ce théâtre, forcément, puisqu'il est très, très présent. Mmh. Maurice Potcher, c'est avant tout donc un poète, un écrivain de théâtre. Il a eu, en fait, avant tous les autres, même avant le ministère de la Culture, parce que créer un théâtre dans un milieu rural à la fin du 19e siècle, c'est proprement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on crée des théâtres à Paris, mmh, un peu en province, mais plutôt des théâtres, comme je disais tout à l'heure, très bourgeois, pour un répertoire de boulevard ou de pièces comme ça, très classiques. Et lui décide d'écrire ses propres pièces et de les jouer dans ce village où il n'y a pas grand monde, même s'il y a un peu plus de monde qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, Bussan était une cité thermale où il y avait vraiment des curistes, il y avait une garnison militaire. Donc la première fois qu'il joue sa première pièce, qui s'appelle « Le diable marchand de gouttes », qui est une pièce sur les ravages de l'alcoolisme chez les ouvriers notamment, puisque son père a une usine, donc il y a aussi l'idée qu'il écrit une pièce pour que les ouvriers boivent moins et travaillent mieux. Ça, c'est le côté un petit peu plus pédagogique, si on veut le dire de cette manière. Et ce jour-là, il y a y a plus de 2000 personnes qui sont présentes à la représentation, puisqu'il y a les militaires, les ouvriers, donc quelque part tout le village est un peu forcé aussi de venir assister à ça. Aujourd'hui, bon, on a plus de 2000 spectateurs, évidemment pas à chaque fois, puisque la salle ne fait que 800 places, enfin 836 exactement. Et puis quand il y a le Covid, hein, il y en a beaucoup moins. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et à l'époque, le Théâtre du Peuple, c'est un simple cadre de scène posé sur un champ. Donc il n'y a pas du tout de toit, il n'y a rien, c'est en plein air. Les gens sont sur des bancs à l'extérieur. Et Maurice Potcher, en fait, qui a essayé d'avoir une carrière parisienne, donc il est monté à Paris, il a essayé d'avoir du succès, puis ça n'a pas vraiment marché comme il le souhaitait. Et bien finalement, il va consacrer sa vie à écrire chaque été une pièce pour son théâtre avec sa femme, Camille de Saint-Maurice, dont on parle moins, parce qu'à ce moment on parle toujours des hommes qui ont fondé les théâtres, mais en fait, souvent, les hommes ne sont rien sans les femmes qui sont à leur côté. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, en général. Enfin, je parle aussi d'expérience. Donc, Camille de Saint-Maurice était celle qui formait les acteurs, parce qu'elle était comédienne elle-même. Elle a eu une expérience aussi à Paris. Et donc, c'est elle qui, quelque part, a été la première à former les amateurs à jouer sur la scène du Théâtre du Peuple. Donc il y a des générations de villageois qui sont passés entre ses mains. Et à l'époque, le jeu était un peu plus, on va dire, caricatural qu'aujourd'hui. Quand on entend des enregistrements de l'époque, ils roulent les airs, ils font des grandes phrases comme ça. Enfin voilà, c'est un jeu très très pâté. Mais c'était le style de l'époque. Et donc ces deux, Camille et Maurice, ont vraiment œuvré pendant plus de 50 ans à former, à transmettre leur amour du théâtre. Et puis quand effectivement la notion de théâtre du peuple est arrivée, ils voulaient absolument que dans la salle, il y ait à la fois des ouvriers, des intellectuels. Ils ne voulaient surtout pas qu'il n'y ait que des gens qui pouvaient être des privilégiés qui assistent à ces représentations. Et son grand pari, c'était de dire que s'il y a des gens simples dans la salle, leurs réactions simples vont contaminer les gens de lettres et les décoincer un petit peu, si on voulait parler avec un vocabulaire d'aujourd'hui. Mmh. Et a contrario, l'intelligence et le raffinement de pensée des gens instruits allaient pouvoir aider les gens les plus simples à s'éveiller à une nouvelle manière d'entendre les œuvres. Mais tout ça dans une sorte d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas en avant les instruits face à ceux qui n'auraient pas eu cette éducation-là. Donc il y avait une vraie volonté d'égalité, d'égalitarisme, et c'est vrai que la salle est construite comme ça, c'est des bancs en bois, même s'il y a des catégories, on est plus près de la scène, mais on est aussi mal assis que derrière. Et derrière, finalement, on voit même mieux que devant, parce que devant, on est collé à la scène. Donc voilà, les conditions sont particulières. Et c'est lui qui a pensé cette architecture. Donc régulièrement, le théâtre, comme je disais, a eu des strates successives. Et ce qu'on voit aujourd'hui est le résultat, surtout, d'une tranche qui a eu lieu après-guerre. Parce que pendant les guerres, le théâtre a eu beaucoup de dégâts, soit la première ou la deuxième. Pendant la Première Guerre mondiale, il a servi d'hôpital pour les lignes qui n'étaient pas très loin, donc un hôpital retranché. Et la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de dégâts. Et donc, quand il y a eu l'annulation en 2020 à cause du Covid, c'était la troisième fois seulement dans l'histoire du Théâtre du Peuple qu'il n'y avait pas de saison d'été, et c'était les deux autres étaient les guerres. Donc ça montre aussi comment ce théâtre a toujours été présent, quoi qu'il arrive, au cours de ce siècle. Et donc justement, même encore aujourd'hui, du coup, le Théâtre du Peuple porte le nom de Maurice Potcher comme un certain hommage. Et donc, comme vous l'avez dit, quand vous êtes présenté, donc vous êtes le directeur du théâtre depuis 2017. Mais est-ce que vous faisiez déjà partie du théâtre avant d'être directeur? Alors, pas du tout. D'accord. Non, c'est aussi la singularité de ces théâtres-là qui, en fait, les directeurs qui sont nommés ont des mandats. Donc là, moi, je viens d'achever mon premier mandat de 4 ans et j'ai obtenu une année de bonus du fait de l'annulation du Covid. Donc 2022 est une année de bonus. D'accord. Et j'ai déjà été renouvelé pour un deuxième mandat, puisqu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats quand on est directeur. D'accord. Et ce mandat court jusqu'en 2025. Donc si je reste les 2 mandats, je serai resté en tout 8 ans. Alors que d'habitude, les autres directeurs, c'était plutôt 6 ans. C'est-à-dire que j'étais le premier directeur à qui ils avaient déjà rajouté une année. Et là, en plus, il y en a eu une deuxième. Donc, ça me fera une certaine longévité. Et effectivement, moi, j'étais pas du tout dans les Vosges avant. J'étais en région lyonnaise. Moi, j'habitais à Lyon. Et j'ai dirigé un théâtre à Lyon. Et ensuite, j'étais en compagnie. Mais ma base était toujours restée en Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai qu'il y a eu en 2016 un appel d'offres. Donc le Théâtre du Peuple recherchait un artiste pour le diriger et j'ai répondu à cet appel d'offres. Et là, il y avait un processus de recrutement qui était très très long, je le dis, parce qu'il y a eu 173 candidats. Ce qui est, en fait, pour vous dire, dans les théâtres qu'on dit nationaux, c'est-à-dire les centres dramatiques nationaux, comme il peut y avoir à Colmar ou à Nancy, en général, il y a une quinzaine de candidats. voire une trentaine quand c'est des lieux un peu reconnus. Le Théâtre du Peuple, ça explose tous les records parce qu'il y a une sorte aussi de... On se dit là-bas, tout est possible. Parce qu'il a une identité qui est aussi à part. Et donc, on était 173 au début. On avait donc écrit une lettre de candidature. Et ensuite, il y avait un dossier. On n'était plus que 11. Et à l'issue des 11, on n'était plus que 5 pour passer un grand oral au Sénat à Paris. Parce qu'à l'époque, il y avait Jack Ralit qui était sénateur et grand amoureux du Théâtre du Peuple, qui faisait partie du conseil d'administration. Et le jury, je me souviens, ils étaient quasiment 26 face à moi. Et donc après, il n'en restait plus qu'un. Et par chance, ça a été moi. Donc ça, c'était en septembre 2016. Voilà. D'accord. Donc il est 14h16. Donc avant de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie, Simon, et que nous écoutions pour commencer le groupe français Odezen, c'est ça le prononce bien. Odezen, voilà. Avec leur titre « Quand souffle le vent », pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire, ce morceau est plutôt typé musique alternative indé rap. Voilà, je dirais que c'est un morceau sorti en 2015 et issu de l'album « Dolziger Strassefrei ». C'est de l'allemand, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vous aider. Bon, j'ai fait allemand quand j'étais à l'école, mais bon, je pense que c'est « Dolziger Strasse », quelque chose comme ça. « Dolziger Strassefrei », ok. Voilà. C'est l'adresse. De Odezen, du coup, voilà. Album sorti le vendredi 13 novembre 2015. Il s'agit du troisième album studio du groupe. Donc du coup, on écoute Odezen avec leur titre « Quand souffle le vent » et on se retrouve juste après d'ici 3 minutes 30 à peu près. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gameozo, 107FM. Vous nous écoutez toujours, du coup, comme je viens de le dire, sur le 107FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Odezen avec le morceau intitulé « Quand souffle le vent ». Vous êtes toujours en direct, il est 14h, presque 21. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Simon Delétang, directeur artiste ou artiste-directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, qui est là pour nous parler du Théâtre du Peuple dans sa globalité, de l'histoire, avec un grand H, du Théâtre du Peuple et de l'actualité 2022, du coup, du Théâtre du Peuple. Ça va toujours ? Toujours très bien. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. J'aime beaucoup, du coup, poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau de Odezen ? Eh bien, j'ai choisi Odezen parce que c'est vrai que j'ai découvert, ça fait peu de temps que j'ai découvert ce groupe que j'aime beaucoup et qui a été présent dans mon dernier spectacle l'été dernier à Bussan, enfin pas physiquement évidemment, mais j'avais passé donc intégré un morceau au titre provocateur de Je veux te baiser, qui est un de leurs tubes, et qui accompagnait justement leurs enfants après eux, donc sur toute cette bande de jeunes qui découvrent la sexualité. Et celui-là, bon, qui est un des plus connus du groupe, mais voilà, qui a une douce mélancolie qui me plaît beaucoup. Voilà. Et donc, si jamais il y a des petites nouvelles ou des petits nouveaux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, déjà soyez les bienvenus et vous vous demandez peut-être pourquoi je pose cette question à presque tous mes invités, parce que dans mon émission Fréquence Libre, comme dans mon émission à la rencontre d'auteurs d'ailleurs, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission, afin non seulement que la dite émission leur corresponde le plus possible, et histoire de mettre un petit peu d'éclectisme dans mes émissions. Voilà, c'est ma petite touche à moi, je trouve que c'est quelque chose de pas trop mal, et en général ça plaît bien aux invités. Tout à fait, c'est très agréable. Voilà, donc du coup on va reprendre le cours de cette émission. Donc comme nous disons depuis le début de cette émission, vous êtes le directeur depuis octobre 2017, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et je crois savoir que dans votre vision des choses, vous portez le projet du théâtre de texte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors c'est vrai que ça peut parfois paraître un petit peu redondant de dire du théâtre de texte, mais en même temps, aujourd'hui, le théâtre a des formes extrêmement diverses, que ce soit le théâtre d'objets, le théâtre de marionnettes, le théâtre visuel, la vidéo, des expressions parfois plus chorégraphiques. Et c'est vrai que moi, je fais partie des metteurs en scène français qui sont les plus à cheval sur les écritures, notamment contemporaines. D'accord. J'ai beaucoup construit mon parcours sur le fait que j'étais quelqu'un qui défendait les auteurs vivants, donc qu'ils soient français ou européens. Donc quand je fais un peu le retour sur tous les textes que j'ai mis en scène, il y en a très très peu qui ne sont pas des auteurs qui étaient vivants ou qui se sont parfois qui sont morts jeunes, pour pas dire les choses autrement, dans mon parcours. Donc c'est vrai que j'aime l'écriture, j'aime le rapport en fait à la langue, et c'est vrai que j'aime bien dans mes spectacles mettre la langue en avant, c'est-à-dire que l'acteur devient une sorte de porte-voix aussi d'une pensée, d'une poésie, et ça c'est aussi quelque part une manière de mettre le spectateur à un état de créativité. J'aime bien quand on n'a pas à imposer trop des choses au spectateur, c'est-à-dire qu'en donnant parfois le texte simplement, l'imagination du spectateur s'active beaucoup plus que si on lui impose des images ou que si on lui impose des choses. Mmh. Et ça permet que le public soit un tout petit peu aussi au travail pendant une représentation. Alors parfois, effectivement, ça peut être des spectacles plus difficiles parce que il faut être vraiment à l'écoute du texte, mais ça veut dire que moi, quand je suis au plateau, je fais en sorte que tout soit fait pour que personne ne soit laissé sur le côté. Et donc, c'est vrai que dernièrement, j'ai fait un spectacle qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », qui est un texte d'un écrivain suédois, qui est un texte presque de philosophie sur la question du libre arbitre. Et je l'ai fait avec un groupe de musique, justement, le groupe Ferguson, pour essayer d'alléger le côté aride du texte. Donc c'est toujours une manière aussi de trouver le meilleur moyen de faire passer une écriture. Mais en tout cas, c'est vrai que je ne suis pas capable de faire un spectacle sans texte. C'est toujours un texte qui me donne envie de le mettre en scène. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit du coup un peu plus tôt dans cette émission, donc la particularité, une des particularités du Théâtre du Peuple, c'est que vous mélangez du coup des comédiens professionnels avec des comédiens amateurs. Donc que cherchez-vous à travers cette particularité ? Quel est on va dire, l'objectif de cette particularité de mélanger comédiens amateurs et professionnels ? Alors, c'est pour le coup, là, c'est pas quelque chose que moi j'ai apporté évidemment à Bussan, puisque ça fait partie du cahier des charges. C'est-à-dire qu'on sait que quand on vient travailler à Bussan, à un moment donné, il faut qu'on valorise la présence des amatrices et des amateurs dans les spectacles. Et après, À titre personnel, moi, ce que je cherche à faire, c'est surtout que quand on voit le spectacle, on ne se rende pas compte qu'il y a des amatrices et des amateurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que le spectacle soit d'aussi bonne qualité que s'il n'y avait que des professionnels. Mais avant tout, c'est participer à la transmission. C'est-à-dire que nous, on a la chance de faire ce métier, qui est un métier parfois difficile, exigeant, qui fait rêver beaucoup de gens, qui le pratiquent pour le plaisir. Et quand ils viennent à Bussan, c'est l'occasion justement d'être au cœur de cette exigence et de ce professionnalisme et de se rendre compte aussi de ce qu'il y a derrière, par exemple, juste être acteur ou être actrice. C'est-à-dire qu'ils découvrent en général toute la machine qui entoure, que ce soit du côté de la production, de la logistique, de la technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils ne sont qu'une petite partie d'un spectacle. Alors que quand on fait du théâtre pour le plaisir, bah, y a que nous, il n'y a que les acteurs, le texte, les copains, on se retrouve, on fait du théâtre, on fait des sketchs, on fait des pièces, et ça, c'est juste ce plaisir-là. Mais c'est vrai que les amatrices et les amateurs qui viennent à Bussan, ils savent qu'ils vont jouer devant une salle de 800 places, ils savent qu'ils vont jouer presque 30 fois devant une salle de 800 places, qui vont être avec plein d'acteurs sur scène, avec un metteur en scène professionnel qui donc va exiger d'eux un certain niveau de travail. Bien sûr. Donc je dirais que le défi, il est à la fois pour eux, mais il est aussi pour nous, pour les professionnels, parce que souvent, les acteurs professionnels qui se retrouvent au contact d'amateurs, ça les déplace aussi. C'est-à-dire qu'ils retrouvent finalement dans le rapport au travail des amateurs quelque chose que parfois ils ont pu perdre. Je vais parler d'une espèce de désir, de plaisir, d'envie. Parfois des amateurs arrivent avec plus d'envie que les professionnels. Mais pas parce que les professionnels, en général, n'auraient pas envie, mais parce que le rapport au travail, quand on en fait son métier, change forcément. Alors que là, on voit briller les yeux des gens, et donc c'est aussi un autre rapport. Et après, moi, ce que je cherche aussi à travers ça, c'est la question d'avoir des... Alors c'est très bizarre de dire ça toujours un peu comme ça, mais des vrais gens, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont choisi d'avoir un autre métier, qui donc ont une autre expérience de vie. Et c'est vrai que dans nos métiers, on est souvent entre gens de théâtre, on est dans un entre-soi qui peut devenir un petit peu usant. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait, toujours à avoir cette présence de personnes qui ont, en fait, un autre rapport à la vie, une autre expérience de vie, et toujours beaucoup plus riche que la nôtre, puisqu'ils ont été dans des métiers de la société civile ou de la société tout court. Quand nous, on est dans des lumières artificielles, dans des salles obscures, à juste essayer de faire croire à des choses, à des gens, ce qui en soi est très beau. Mais, oui. Mais c'est vrai qu'on a vu récemment que notre secteur d'activité n'avait pas été considéré comme essentiel. Oui. Et c'est bien la preuve que, du point de vue de la majorité de la société, peut-être qu'on fait un métier qui n'est pas reconnu aussi pour sa nécessité. Donc c'est vrai que quand on est avec des infirmiers, avec des enseignants, avec des psychiatres, on a tout un tas de profils très différents. On a aussi des gens qui travaillent, qui sont des commerciaux. Cet été, on va avoir aussi une phoniade, je crois, une je ne sais plus comment on appelle ça, qui font parler les enfants, qui aident les enfants à parler. Orthophoniste, merci. C'est pas phoniate, c'est la voix. Et puis on a des gens, voilà, qui sont des retraités aussi, souvent, qui prennent ce temps de leur retraite pour se consacrer au théâtre. Donc c'est toujours très riche. Et au final, je crois que ça permet d'être davantage en contact avec ce qui devrait être le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'humain, la rencontre. Et je crois qu'à Bussan, il y a une authenticité qu'on retrouve rarement dans le cadre uniquement professionnel du théâtre. Justement, c'est intéressant que vous parliez d'humain, parce qu'une des devises du Théâtre du Peuple est, je cite, « par l'art, pour l'humanité », fin de citation. Donc, du coup, j'allais vous demander si c'était vraiment autour de cette devise que vous organisez toutes vos actions, tous les spectacles, mais du coup, j'imagine que oui. Oui, alors, de manière, je dirais, presque... comment dire ? C'est par l'art pour l'humanité, et puis nous, on dit toujours avec humanité aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait faire par l'art pour l'humanité, mais on pourrait le faire comme une sorte justement d'obligation, parce que c'est écrit effectivement sur le cadre de scène au-dessus du plateau. Mais c'est vrai que moi, ça a été une des sources d'inspiration de tout ce que j'ai essayé de développer, parce qu'il y a le théâtre du peuple, il y a les spectacles qu'on y présente, mais il y a aussi tout ce qu'on fait tout au long de l'année sur les territoires, et ce par l'art pour l'humanité, comment en fait on l'exporte des murs du théâtre. Et donc ça, peut-être qu'on en parlera après, mais moi je suis venu avec l'idée que le Théâtre du Peuple, ce n'était pas simplement la saison d'été, mais qu'il y avait 4 saisons dans une année, et que donc les autres saisons, on allait aussi occuper le territoire, proposer des choses. Et là, pour moi, ça a été une manière de trouver comment faire voyager cette devise. Donc tout ce qu'on a construit autour, ça a été une manière, une réflexion de comment on peut transposer cette devise fondatrice dans la réalité de notre présent. Mmh. D'accord. Et comme un petit peu plus tôt, pareil, dans cette émission, nous parlions du coup du lieu, donc fait de bois avec des bancs. Donc si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs n'ont pas la possibilité de se déplacer, sur le site internet du Théâtre du Peuple, donc https://www.theatredupeuple.com/, il y a la possibilité de faire une visite virtuelle du théâtre. Tout à fait. Ça, c'est une petite nouveauté qui date de l'an dernier, puisqu'on s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire les visites, puisqu'au-delà de l'activité de création, on est monument historique depuis 1975. Donc, on a des gens qui viennent parfois uniquement visiter le théâtre, comme on visite un château ou comme on visite une maison d'écrivain. Et donc là, à ce moment-là, se relaient des membres de l'équipe permanente ou des membres de l'association du Théâtre du Peuple qui viennent bénévolement assurer ces visites-là. Notamment l'été, nous, c'est plus compliqué d'assurer ces visites. Et c'est vrai que cette visite virtuelle a permis de montrer, effectivement, on se balade avec la souris à l'intérieur du théâtre. Donc il y a un photographe spécialisé qui est venu faire tous les plans de la salle. Et c'est vrai que c'est assez magique de pouvoir au moins avoir l'impression. En plus, c'est quelque part, quand on vient faire la visite, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que ce que se permet cette visite virtuelle, c'est d'avoir un regard solitaire, libre, à l'intérieur, effectivement, de la grande salle. Mmh. Et donc, comme ça, vous pourrez voir, auditrices et auditeurs, à quel point ça peut être assez stressant d'être sur la grande scène. Parce que pour partager un petit peu mon expérience, j'ai déjà eu l'occasion de passer une audition pour une pièce de théâtre au Théâtre du Peuple il y a quelques années. Bon, malheureusement, la vie a fait que du coup, j'avais autre chose à côté qui s'est mis en plein travers. Mais bon, c'est comme ça. Et je dois bien avouer que c'est assez impressionnant que c'est... plus impressionnant qu'en photo, en tout cas, qu'on est sur la grande scène, on est en hauteur des spectateurs, des bancs. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais c'est quelque chose à voir. Voilà. C'était pour quelle pièce, du coup ? Oula, c'était en 2000, je ne sais plus le titre, c'était en 2016 ou 2017, je crois. Alors peut-être l'Opéra de Katsu. C'était un spectacle d'été, je crois, ouais, que c'était pour une saison d'été. Ouais, je crois que c'était un Feydeau, il me semble. Ça devait être 2017, alors peut-être, c'était La Dame de chez Maxime ? Quelque chose comme ça. Enfin, okay, d'accord. Voilà. Mais enfin, c'était. Voilà, mais c'est vrai que c'était impressionnant. Et heureusement, les bancs étaient vides, donc j'imagine pas avec toutes les personnes présentes. Enfin bon, il est 14h30, presque 33. Donc avant de poursuivre et de nous intéresser à la deuxième grosse partie de cette émission, l'actualité 2022, je vous propose de nous lancer dans la prochaine fréquence musicale que vous avez choisie, Simon. Sébastien Tellier avec son morceau intitulé « L'amour et la violence ». Au niveau des références à nouveau, ce morceau est plutôt typé musique alternative indé à nouveau. C'est un morceau sorti en 2008 et issu de l'album intitulé « Sexuality ». Album sorti le lundi 25 février 2008. Il s'agit d'ailleurs du troisième album studio de Sébastien Tellier. Donc on écoute ce morceau, donc L'amour et la violence, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Dis-moi ce que tu penses. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM. Vous venez d'écouter Sébastien Tellier avec le morceau intitulé « L'amour et la violence ». Nous sommes toujours en direct. Il est 14h presque 39 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Simon Delétan, directeur artiste ou artiste directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, qui est là pour nous parler du Théâtre du Peuple dans sa globalité, de l'histoire du Théâtre du Peuple et de l'actualité 2022 du Théâtre du Peuple. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Simon ? Absolument, avec de très bons choix musicaux. Eh oui, on se demande qui les a choisis. Absolument. Donc justement, même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau de Sébastien Tellier ? Ah ben ça, pour moi, c'est un des morceaux, un des plus beaux morceaux de tous les temps. Enfin, c'est vraiment un morceau qui m'accompagne depuis qu'il est sorti. Avant, je ne le connaissais pas. Mais pareil, c'est un morceau que j'ai mis dans un de mes derniers spectacles là, en janvier à la Comédie Française. Donc qui accompagnait une pièce aussi sur cette question-là de l'amour et de la violence. Pas forcément l'amour, la violence dans l'amour, mais je trouve que voilà, c'est comme une sorte de, ça pose quelque chose d'essentiel voilà dans la vie, et ce morceau me touche beaucoup, voilà. Mm-hmm. Donc comme vous le dites, à la Comédie de Paris, c'est ça que... Comédie française. Paris, ouais. Voilà, parce que vous n'êtes pas que au Théâtre du Peuple. Eh bien, je dirige le Théâtre du Peuple, mais comme essentiellement les gros spectacles, je les fais l'été, il m'arrive d'avoir parfois du temps et d'être invité, parce qu'après il faut aussi qu'on ait envie de moi ailleurs, et d'être invité dans d'autres théâtres. Donc là, en l'occurrence, c'était la Comédie française avec le spectacle Anéanti de Sarah Kane. D'accord. Donc justement, vous avez un statut de... d'intermittent du spectacle en tant que... Pas du tout, non. J'ai été intermittent du spectacle quand je n'étais pas directeur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être directeur une première fois à Lyon. Quand on est directeur d'un théâtre, j'ai un CDI. Donc je suis là en contrat non intermittent puisque je suis au contact des bureaux tous les jours. Je travaille dans l'année, enfin j'ai pas de moment de vide, et donc quand je fais des spectacles à l'extérieur, c'est souvent des spectacles qui ont un lien avec le Théâtre du Peuple, ou voilà, c'est des choses qui sont dans le cadre aussi de mon activité. D'accord, donc du coup quand vous aurez terminé du coup ce poste de directeur au Théâtre du Peuple, donc d'ici quelques années, voilà, vous pourrez reprendre sans problème le statut d'intermittent du coup ? Alors sans problème non, mais si effectivement je n'ai pas la chance d'aller diriger un autre théâtre, je me retrouverai effectivement un peu dans l'obligation de retrouver une précarité qui est celle de l'intermittence du spectacle, et là effectivement c'est que je serai en compagnie, donc j'aurai une activité moins régulière, évidemment, qu'aujourd'hui. Bien sûr, d'accord. Donc du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, on va s'intéresser à l'actualité de cette année au Théâtre du Peuple. Donc déjà, j'imagine que c'était assez compliqué pour le Théâtre du Peuple ces deux dernières années avec la crise sanitaire. Oui, ça a été une période extrêmement difficile, frustrante, douloureuse aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'annulations de spectacles qui devaient tourner. Donc ça, c'est vrai que c'était le plus dur, parce que moi, j'avais une création, donc un texte qui s'appelle Suzy Stork de Magali Mougel, que j'avais créé en 2019, l'été 2019. Et on avait une très belle tournée qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, puisqu'il y a eu un premier report et puis deuxième report annulé. Et les théâtres après ont arrêté de vouloir à nouveau ce spectacle. Il y avait l'embouteillage partout. Et puis surtout l'annulation de la saison d'été 2020 qui a été un vrai cataclysme. Et plus le télétravail pour l'équipe permanente. Donc nous on est une petite équipe dans les bureaux au théâtre. On est 7, donc c'est aussi quelque chose qui est particulier. C'est-à-dire qu'on a un vrai rapport au quotidien qui est simple. Mais dès lors qu'on est en télétravail, c'est vrai que ça complique tout. C'est moins agréable. Et puis selon notre personnalité, on est plus ou moins à même de supporter cette chose-là. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez douloureux. Donc là, ça fait quelques jours qu'on est revenu quasiment complètement en présentiel. On n'a plus qu'un jour de télétravail par semaine. Mais voilà, ça a été difficile. Il a fallu faire des adaptations permanentes. Je ne sais pas, avec Alice Trousset, la directrice adjointe, combien de budget on avait fait en 2020 de suppositions, d'hypothèses pour que la saison ait lieu, puis annulée. Et puis l'an dernier, pareil, on a anticipé au mieux. Au final, on a été très prudent et du coup, on a réussi à s'en sortir. Et c'est vrai que cette année, on attend. Là, on est plutôt quand même dans... On espère que ça va bien se passer, même si on reste prudent sur les jauges et sur ces questions-là, puisqu'on sait que on n'est pas à l'abri d'une nouvelle mesure de distanciation ou autre pour faire attention à l'épidémie. Bien sûr. Donc du coup, Alice Trousset, donc directrice adjointe, que j'avais déjà reçue il y a fin de l'année dernière pour parler du coup de faits divers, pendant quelques minutes. Voilà, c'était la petite anecdote. Et donc, du coup, même si le Théâtre du Peuple, c'est un théâtre très connu, j'imagine, du coup, que vous n'avez pas bénéficié vraiment d'un traitement de faveur, du coup ? Non, après, on n'a pas non plus été les plus à plaindre par rapport à certains secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on a pu avoir recours au chômage partiel, on a pu avoir des aides aussi sur des exonérations de charges qui ont fait qu'au final, on avait pu salarier l'ensemble des artistes et des techniciens intermittents. C'est-à-dire quand on a annulé les spectacles, ils ont quand même pu être payés. C'est-à-dire que ça ne les a absolument pas mis en difficulté dans leur vie personnelle. D'accord. Et ensuite, nous, au théâtre, grâce à des exonérations de charges, on a aussi pu créer de l'emploi, puisque là, on a enfin pu créer au Théâtre du Peuple un poste de technicien permanent, ce qui n'existait pas depuis des années, alors que c'est un théâtre classé, qu'il est classé monument historique, qu'il y a une question de sécurité très importante. Et donc ça, c'est aussi grâce à ces aides qu'on a pu engager un petit peu cet emploi-là. Après, il va falloir le pérenniser. Donc voilà, on essaye toujours d'être dans le rebond avec ce qui nous arrive, mais pour que ça avance toujours dans le meilleur sens possible. Mmh. Et donc, du coup, au niveau de l'actualité 2022, donc un peu plus tôt ce mois-ci, vous avez mis en place ce que vous appelez un lieu à soi sur la communauté de communes des Milletans. Voilà, c'était au mois de février. C'était la semaine dernière. Voilà. Ouais. Donc, le succès, j'imagine que le succès était au rendez-vous pour cette surprise. Immense succès, bien sûr. Non, c'était effectivement la première étape d'un projet de territoire qu'on va mener pendant 3 ans sur le territoire des Milletans, de la communauté de communes des Milletans, grâce au soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Et là, on est venu se présenter au public avec un spectacle dont je parlais tout à l'heure, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », que j'interprète moi-même avec le duo Ferguson, Michaela Chariot et David Mignoneau. Et on a joué 2 fois dans la salle des fêtes d'Écromanie, qui est une commune du plateau des Mille Étangs. Et on a convié les gens, en fait, pour les rencontrer et leur expliquer ce projet. Donc, à chaque représentation, on a eu une quarantaine de personnes, donc dans une petite salle des fêtes, ce qui était quasiment plein. Et à chaque fois, on a proposé donc notre projet, puisqu'on va venir régulièrement faire de la récolte de paroles d'habitants, aller au contact des pêcheurs, de ces gens qui vivent en bordure des étangs. Et l'objectif, c'est au bout de 3 ans de faire un spectacle avec des gens de ce territoire qui porteront eux-mêmes leurs paroles sur scène. D'accord. Un écrivain qui va écrire une pièce en fonction de ça, et des musiciens, donc les Ferguson, qui vont mettre en musique tout ça. Donc beaucoup d'ateliers, de résidences, à la fois dans les EHPAD, les écoles du secondaire et du primaire, et puis des gens aussi, des associations, des troupes de théâtre amateur. Donc ça, c'est un projet au long cours qui vient de naître. Mmh. Ensuite, en mars prochain, donc le mois prochain, les spectateurs auront l'occasion de découvrir la pièce « Oh Boy », mise en scène par Olivier Letellier. Tout à fait, les 24 et 25 mars, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Voilà, au Casino de Bussan, puisque en dehors de l'été, on est obligé d'aller jouer ailleurs à Bussan. Donc c'est soit la salle des fêtes, soit le casino, mais cette fois c'est le casino. Donc c'est une pièce qui a eu le Molière du spectacle jeune public il y a quelques années, je crois que c'était en 2010, qui a un succès incroyable. Donc c'est un spectacle à voir en famille et qui permet aussi de se poser des questions sur l'identité, l'adoption, enfin voilà, des questions essentielles. Et ça, c'est un grand rendez-vous qu'on a donné depuis qu'on est arrivé à Bussan, c'est d'avoir toujours un spectacle au mois de février ou mars dans le village, pour qu'on puisse aussi avoir des scolaires qui viennent au théâtre et puis les gens du coin, parce que c'est très important de faire une offre sur un territoire où il n'y a pas grand-chose. Et donc du coup, là, pour cette pièce, ça sera que des comédiens professionnels ? Absolument, là c'est même un monologue d'un D'accord. comédien professionnel. Ça, c'est un spectacle accueilli, invité. Donc là, c'est un professionnel. Le reste de l'année, je dirais que les amateurs et les amatrices sont présents à travers des stages. Donc par exemple, cette semaine, on a un stage qui a lieu au Théâtre du Peuple avec le chorégraphe Thierry Thieu-Niang, qui est un grand chorégraphe français. Et donc là, il a une douzaine de stagiaires avec lui. Ils finissent demain matin. Et ça fait partie de cette transmission qu'on fait toute l'année. Donc c'est pas forcément visible du grand public, puisque ça se passe dans notre salle de travail. Mm-hmm. Mais ce sont des stages qui sont de plus en plus courus. Et par exemple, le Covid a fait exploser les candidatures. On a doublé, voire triplé le nombre de personnes qui souhaitaient y participer. Donc ce sont des stages payants, mais qui sont assez peu chers par rapport à ce qui se pratique par ailleurs. Et les gens sont logés, nourris pendant une semaine avec des artistes professionnels. D'accord. Qui viennent du coup leur transmettre ce qu'ils souhaitent. Donc là, particulièrement, Thierry Thieu-Niang fait travailler sur le corps, le rapport à l'espace. Donc voilà, ça veut dire qu'on a à la fois ce stage, ensuite on a le spectacle, on aura un nouveau stage ensuite. Donc c'est ces petites activités qui ponctuent effectivement notre année en dehors de l'été. Mmh. Et donc justement, comment est-ce que vous sélectionnez les spectacles que vous allez mettre en scène ? Comment la sélection se fait-elle ? Alors ça dépend, il y a parfois des évidences, des vrais coups de cœur. Alors il y a les spectacles qu'on accueille, par exemple Oh Boy, c'est une intuition d'une thématique qu'on a envie de présenter, puis un spectacle qu'on a vu, dont on a entendu parler. Après, pour l'été, pour tout vous dire, ça dépend beaucoup de mon désir, puisque c'est moi qui vais choisir le texte que je mets en scène. Et en général, dans l'équipe, il n'y a personne qui va me dire « Non, Simon, enfin, après je pourrais ouvrir à discussion, mais en général, quand je décide que je vais mettre en scène tel texte, c'est que j'en suis absolument persuadé, qu'il y a une nécessité qui me pousse à le faire. Donc ça veut dire que le projet pour moi est déjà très fort dans ma tête. Donc ça, c'est vraiment s'il n'y a pas d'explication. Après, il y a des textes, moi, que j'ai envie de mettre en scène depuis plusieurs années. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'Anéanti. Anéanti, ça fait 20 ans que je voulais le mettre en scène, voire plus, puisque je l'ai découvert adolescent. Cet été, je vais mettre en scène un texte que je désire mettre en scène depuis que j'ai 16 ans. D'accord. Donc voilà, c'est aussi des choses qui, il faut, le moment propice arrive, en fait, aussi parfois. Et puis, il m'arrive de découvrir un texte dans le cours de l'année et de le monter dans le prolongement immédiat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout d'un coup une découverte qui est si forte qu'on a envie de la faire tout de suite. Mmh. Et donc du coup, je vois sur votre site internet que la prochaine saison d'été du coup aura lieu du samedi 30 juillet au samedi 2 septembre 2022. Absolument. Voilà. Mais vous n'avez pas encore dévoilé l'intégralité de la programmation, vous le ferez le 23 mars prochain, donc le mois prochain. Est-ce que nous pouvons avoir quand même une petite exclusivité à Radio Guémozo ou pas ? Alors vous pouvez avoir une exclusivité qu'il va falloir déchiffrer. D'accord. Parce que je me suis un peu engagé auprès de tous mes partenaires à ne délivrer cette saison que le 23 mars. Mais si les gens sont un petit peu curieux, il suffit d'aller voir ce qui était programmé en 2020 et le programme de 2022 et le programme de 2020 reporté en 2022. C'est-à-dire qu'il y avait trois spectacles qui étaient proposés en 2020 et ce sont ces trois mêmes spectacles. Donc là, je fais un effet d'attente qui est absolument irrationnel, puisque je pourrais vous le dire tout de suite, mais là, je reste dans la symbolique de ce que je me suis engagé à faire. Mais ça veut dire qu'un petit coup de clic sur Internet et vous pourrez découvrir ce que sera le programme de l'été en avant-première de tout le monde avant le 23 mars. D'accord. Donc pour là, c'est pour la saison d'été avec les comédiens professionnels et amateurs. Et amateurs, voilà. Et là, la singularité de cet été, c'est que je fais les deux spectacles. Je fais le spectacle de l'après-midi et le spectacle du soir, et je le fais avec les mêmes comédiens. C'est-à-dire qu'il y a 16 acteurs l'après-midi et il y aura aussi les mêmes 16 acteurs le soir, puisque les deux spectacles sont autour du même personnage, du même mythe du théâtre mondial. D'accord. Donc du coup, il est 14h50, donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans la troisième et dernière fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, Simon, et que nous écoutions cette fois-ci le célèbre groupe allemand Rammstein avec leur titre Frühling in Paris, que l'on pourrait traduire en français par Printemps à Paris. Toujours au niveau de quelques références, ce morceau est plutôt typé rock. C'est un titre sorti en 2009 et issu de l'album Liebe ist für alle da, que l'on pourrait traduire en français par L'amour est pour tout le monde de Rammstein, album sorti le vendredi 16 octobre 2009. Il s'agit du sixième album studio du groupe. Donc on écoute ce morceau de Rammstein, il dure 5 minutes. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Verstand nur ihre Sprache. Frühling in Paris de Rammstein sur Radio Gemozo. Donc vous êtes toujours sur le 107FM localement en direct, toujours ou sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com et sur notre application Orange Radio partout en France et dans les pays frontaliers entre autres. Et nous sommes toujours en compagnie du coup dans nos locaux de Simon Delétang, directeur artiste du Théâtre du Peuple du coup à Bussan, qui est là pour nous parler du Théâtre du Peuple, de l'actualité aussi 2022. Tout va toujours bien ? Tout va toujours très bien. Parfait. Donc, même question que pour les deux premières fréquences musicales, vous êtes habitué désormais. Pourquoi ce morceau de Rammstein ? Ah, moi, je suis un très, très grand fan de Rammstein. Et je crois que sur la trentaine de spectacles que j'ai fait, il y en a au moins la moitié dans lesquels il y avait du Rammstein. Donc, c'est vraiment une source à la fois d'inspiration, bah, pas forcément thématique, hein, mais là, je parle uniquement musicalement, parce que parfois, les thèmes des chansons sont un peu... peuvent être sujets à discussion, mais en tout cas en termes de musique, d'énergie, de puissance. Et puis c'est vrai que c'est le dernier concert que j'ai vu, donc quand ils étaient passés, c'était avant le Covid, à la Défense Arena, et c'est vrai qu'un spectacle, un concert de Rammstein, c'est assez inoubliable. Bien sûr, j'imagine. Donc du coup, comme annoncé dans cette pause musicale, nous allons devoir conclure du coup, assez rapidement, vu qu'il y a un autre programme à 15h. Si nous voulons suivre l'actualité du Théâtre du Peuple, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, par tous les réseaux sociaux possibles, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on a des comptes très actifs et très différents, puisque le but, c'est toujours de donner des informations différentes. Le site du Théâtre du Peuple, évidemment. Mais le Théâtre du Peuple a cette force aussi de savoir assez bien communiquer son actualité. Donc, c'est difficile de passer à côté, je dirais, si on se renseigne bien. On pourra peut-être aussi, quand ça sera possible, peut-être visiter le théâtre en présentiel sans la visite virtuelle. Donc l'adresse du théâtre, 40 rue du Théâtre à Bussan, et les visites ont repris effectivement en présentiel. Donc vous pouvez venir les jours de visite, que je dise pas de bêtises, dans les vacances scolaires, c'est le mercredi et le dimanche, et sinon le dimanche. D'accord. À 10h30. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, je pense que vous pouvez nous souhaiter une affluence record de public, parce que c'est surtout ça dont on est impatient, c'est-à-dire de retrouver des grandes salles, et puis cet amour que les gens ont pour le Théâtre du Peuple qui a été aussi mis à rude épreuve. Donc voilà, on souhaite avoir cet été une saison inoubliable en termes de fréquentation. Un dernier mot avant qu'on se quitte, peut-être ? Non, merci. En tout cas, c'est agréable aussi de pouvoir échanger un petit peu sur la durée, je dirais, de ne pas venir juste 5 minutes présenter un spectacle, mais de pouvoir échanger comme on vient de le faire. Voilà, le message est passé. Du coup, c'est ainsi que tu termines cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, du coup, Simon, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, samedi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook et sur notre site internet. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail, vous envoyer le lien, si vous voulez la récupérer. Avec plaisir. La partager, etc. En attendant, je vous laisse avec Dominique. Et j'ai aimé, je vous le lis d'ici quelques secondes à 15h, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Christelle Rogero, présidente du carnaval vénitien de Remiremont. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h30 pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai par téléphone Sébastien Julien, qui sera là pour nous parler de son ouvrage intitulé Des profondeurs, je crie vers toi. Et on se retrouve toujours lundi, bien sûr, à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée, un bon week-end. Et du coup, quant à moi, je vous dis à demain. Donc, salut et à demain.